Le torchon Ménard a été rendu public hier. Ça, c'est le rapport qui avait été commandé par le PQ. Quel joke! Sur la crise étudiante au printemps 2012. Et le contenu est une farce, là. On dit là-dedans, entre autres, puis oubliez pas qu'on a déposé le rapport juste avant le match du Canadien hier, là. Et on dit là-dedans que il aurait fallu, imaginez-vous donc, nommer un médiateur. On reproche au gouvernement Charest, à l'époque, de pas avoir nommé médiateur. Alors que le gouvernement, c'est un gouvernement élu démocratiquement, légitime, qui faisait face à une minorité. Faut pas l'oublier, ça, c'était une minorité de braillards et d'ados attardés qui jouaient aux communistes à 25 cents. Il aurait fallu que le gouvernement nomme un médiateur avec ce monde-là. Voyons donc. Éric avait raison tantôt. Hein. Le vrai rapport, ça a été de sortir le PQ à grands coups de pied dans le cul. Le vrai rapport, il est là, là. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais dans le rapport, on dit aussi, on suggère d'interdire ou de restreindre l'usage du poivre de Cayenne et des grenades assourdissantes. Finalement, il faudra enlever tous les moyens aux policiers pour intervenir. C'est un peu ça que dit le rapport qui a été déposé hier soir.